demain, que je ne cherche plus et que j'aille plus loin. La vérité est une poignée de sable fin, la vérité qui glisse entre mes doigts. Tu marches au fond de toi et derrière tes pas, et tu ne bouges pas seul, ton regard avance. La vérité est une poignée d'eau de la source, la vérité qui coule entre mes mains. Il n'y a de repos que pour celui qui cherche, il n'y a de repos que pour celui qui trouve. Tout est toujours à recommencer, tout est toujours à recommencer. Il marche sur ses pieds et parfois sur sa tête, il traîne un gros boulet qui est comme lui-même. La vérité est une petite poignée d'air pur, la vérité qui siffle entre ses dents. Il n'y a de repos que pour celui qui trouve, il n'y a de repas que pour celui qui mange. Tout est toujours à recommencer, tout est toujours à recommencer. Il n'y a de repos que pour celui qui cherche, il n'y a de repos que pour celui qui trouve. Tout est toujours à recommencer, tout est toujours à recommencer. Nous marchons sur nous-mêmes comme un bétail perdu, le mensonge est collé aux semelles de nos souliers. La vérité est comme la fumée, la vérité qui monte dans nos mots. Il n'y a de repos que pour celui qui cherche, il n'y a d'oasis que pour celui qui boit. Tout est toujours à recommencer, yeah. Tout est toujours à recommencer. Il n'y a de repos que pour celui qui cherche, il n'y a de repos que pour celui qui trouve. Avec amour, la vérité est comme le soulier, la vérité que l'on a délacée. Il n'y a de repos que pour celui qui trouve, il n'y a de retour que pour celui qui part. Tout est toujours à recommencer, yeah. Tout est toujours à recommencer. Ils ont mis des cailloux dans le bout des souliers, et puis ils sont montés sur leurs épaules. La vérité est comme une lumière, la vérité qui pointe à l'horizon. Il n'y a de repos que pour celui qui marche, il n'y a de repos que pour celui qui va. Mais dites-moi encore, où est-il celui qui ne passe pas? Mais dites-moi encore, où est-il celui qui ne passe pas? Il